Où logera son excellence de Brada. Chapitre 1er. Son excellence le comte de Schoengesicht, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi de Prusse près la République helvétique, est nommé dans les mêmes qualités auprès de son Altesse royale le grand-duc de X. La nouvelle contenue dans ces lignes de la Gazette officielle fut on ne peut mieux accueillie à X par le grand-duc d'abord, par sa cour, et par l'imposant aéropage qui composait le corps diplomatique. Le nouveau ministre arrivait précédé d'une auréole d'amabilité. La comtesse Dorothée de L, demoiselle d'honneur de son Altesse royale la Grande Duchesse, passait pour avoir éprouvé jadis à son égard la plus vive passion. Cette passion avait vu le jour à Berlin, où la comtesse Dorothée avait séjourné une semaine, époque qui faisait date dans son existence. Aussi, oubliant les 15 années écoulées et surtout l'existence d'une comtesse de Schoengesicht, la comtesse Dorothée se rappelait avec complaisance certaines valses dont le souvenir lui était toujours très vif. L'émotion de la comtesse Dorothée était largement partagée. La venue de son excellence le comte de Schoengesicht était pour X un véritable et sérieux événement. Cela intéressait en premier lieu son Altesse royale le grand-duc lui-même, et on le savait charmé de la nouvelle nomination. Puis toutes les femmes jeunes et jolies, ou qui avaient été jeunes et jolies, ou qui se croyaient jeunes et jolies, car Metleïev, qui pendant longtemps avait eu la spécialité de ravager à X les cœurs aristocratiques, commençait à se faire vieux et à ne s'intéresser plus qu'au bon dîner. Enfin, le respectable commerce de X subissait une attente fiévreuse, car il s'agissait de savoir si son excellence la comtesse de Schoengesicht patronnerait Müller, qui avait toutes les nouveautés de Paris et importait les modes les plus excentriques, ou si elle irait chez Altstein, la maison la plus ancienne et toute allemande, si elle se servirait pour les délicatesses chez Siegenfuss, comme le baron de Stolzenheit, ou chez Schivenfuss, comme la majorité du corps diplomatique. Son excellence le comte de Schoengesicht ferait-il l'honneur de ses commandes aux tailleurs de son Altesse royale? Et enfin, où s'installeraient leurs excellences? Dans le vieux quartier ou près du jardin vert? Depuis le boucher de la cour jusqu'à son Altesse royale, tout le monde émettait des avis sur ces graves questions. Les collègues aussi causaient, car il était d'une majeure importance pour messieurs les secrétaires y attachés de savoir si la comtesse de Schoengesicht était jeune et jolie, prude ou bon enfant. D'un autre côté, depuis la très respectable épouse du vieux ministre résident de Belgique jusqu'à la folâtre Madame de Riskov de la Légation de Russie, pas une femme de tout le petit clan cosmopolite pour qui un nouveau visage masculin ne fût une manne du ciel. Et Schoengesicht avait été attaché à Paris, et Schoengesicht y avait eu un scandale avec une danseuse. Il devait être charmant. À sa première apparition dans le monde de X, le comte de Schoengesicht fut acclamé de prime abord. En effet, il était impossible de se montrer plus insolemment poli, plus courtoisement conquérant. Il avait peine, évidemment, à porter le poids des lauriers de sa patrie. Mais enfin, avec un effort soutenu, il y parvenait. Envers le grand-duc, il fut plein d'une affabilité protectrice, toujours prêt à l'assurer que son auguste souverain était parfaitement décidé d'octroyer à son Altesse royale le grand-duc de vivre encore quelques années encore, et que lui, Schoengesicht, s'en portait volontiers garant. Toutes les conseillères particulières raffolèrent de ces galanteries précieuses, car pour son excellence, les compliments aux femmes faisaient évidemment partie de sa ligne de conduite. Le succès des Schoengesicht fut complet, et ils acceptèrent avec bonté toutes les invitations. Rien de plus majestueux que leur entrée dans un salon. La comtesse de Schoengesicht, née von Tock, n'arborait que les couleurs les plus vives, et avait résolu de faire tenir sur sa volumineuse personne le nombre le plus incalculable de nœuds, de ruches, de doubles jupes, et comme on n'avait pas dans Twix à lui opposer une personne d'une taille plus majestueuse, ni des épaules plus larges et plus charnues, elle triomphait. Quant à son excellence, il représentait la quintessence de la morgue prussienne, ce à quoi rien ne ressemble sous le ciel. Il ne portait pas sa tête, il l'exhibait. Un demi-sourire sardonique était figé sur ses lèvres. Sa brochette de décoration, longue et fournie, pendait nonchalamment et comme par faveur au revers de son habit. Quant à l'aigle rouge qu'il portait au col, on comprenait à première vue que ce ruban-là empêcherait seul un homme d'être guillotiné. Et avec cela, si avenant. la comtesse de Schongesicht fit sa tournée de visite de la façon la plus gracieuse. Elle mit toute la bonne volonté possible à parler d'elle-même et de ses affaires dans le plus grand détail. On sut, au bout de peu de jours, les inquiétudes causées par la croissance de la charmante Hilda, les étonnantes dispositions du précoce Wilhelm. On apprit à un tas à leur près ce que recevait par an la mademoiselle française de Berne, qui présidait à l'éducation de mademoiselle Hilda. Toute la ville s'occupait à trouver des domestiques à l'aimable comtesse, et les meilleures, les plus entendues ménagères de X, où l'on se pique de l'être, mettaient à son service leur lumière et leur expérience. Mais ce qui occupait en première ligne la comtesse de Schongesicht, née von Tock, c'était le choix d'une maison. D'après tout ce qui était absolument nécessaire, on craignit bientôt que X ne contint pas de local disponible, répondant même de loin à tant d'exigences. On en était arrivé à engager des paris. C'était la distraction des soirées intimes entre collègues amis. Metleyev tenait que Schongesicht demanderait à son gouvernement de faire évacuer la caserne. La jolie baronne, la chargée d'affaires de France, tenait pour le palais. On enverrait le grand-duc à Ludwigsgluck et tout serait dit. En attendant, les tapis de Smyrne de la comtesse de Schongesicht étaient conservés dans le poivre. Chapitre deuxième. Tout galant qu'il fût, son excellence passait pour un époux modèle. La comtesse de Schongesicht, née von Tock, vantait sans cesse les vertus conjugales de son Otto, car il s'appelait Otto, comme l'illustre chancelier. Car le comte de Schongesicht montrait vis-à-vis de ces pauvres personnes, le chargé d'affaires de France et sa femme, l'attitude la plus conciliante. On disait même qu'il avait promis à la jolie baronne d'écrire en haut lieu au sujet d'un certain caporal bavarois dont elle avait raconté les exploits pendant la guerre. La comtesse de Schongesicht avait assuré avec bonté la chère baronne que son mari lui trouvait beaucoup d'esprit, et que lui, qui avait horreur en général de l'esprit léger des Français, faisait une exception en sa faveur. Ceci avait été raconté par la comtesse de Schongesicht en plusieurs bons endroits et accueilli avec le respect dû à un jugement aussi compétent. Son Excellence avait loué également à plusieurs reprises la jolie maison de la baronne, mais la comtesse de Schongesicht ajoutait aussitôt que, quoique très convenable pour le chargé d'affaires de France, pour eux la maison aurait été beaucoup trop petite. Véritablement, elle désespérait de s'installer jamais à X. La baronne, elle, ne trouvait son Excellence le ministre de Prusse qu'un peu trop aimable. Passe encore de répondre à ses divagations sur la littérature française qu'il adorait. Son Excellence confia en effet à la baronne que Béranger était son poète favori, et au dîner chez le ministre des Affaires étrangères, lui récita des fragments du Dieu des bonnes gens. Mais des généralités littéraires, son Excellence en arriva bientôt à des particularités plus intimes, et elle dut s'écouter révéler en stricte confidence par Schongesicht que son véritable caractère, plein d'ardeur et de fougue, lui rendait bien difficile à porter le harnais diplomatique. Ajoutez que son Excellence n'avait nullement besoin d'encouragement. Avec la plus exquise assurance, il accaparait la place à côté de la baronne, absolument comme s'il eût été attendu ou désiré. Et de fait, pourquoi ne l'eût-il pas été quelque peu? Loin de nuire à la jolie baronne, ses attentions illustres valaient à la femme du chargé d'affaires de France les meilleurs sourires de toutes les nobles dames de X, et les Machiavels de l'endroit se demandaient déjà comment on pourrait utiliser cette influence. Jusque-là, cependant, l'amoureux ministre avait été consigné à la porte de la jolie maison du Beistrasse, où demeurait la baronne, et n'entrait présenter ses hommages qu'aux heures les plus officielles. Mais voilà qu'un beau matin, il fut admis sans pourparler. Un doux espoir traversa son esprit. Elle y venait donc, cette Française jeune et moqueuse? Elle était seule. Sûrement elle avait deviné sa visite. Aussi, très enhardi, il commença par se plaindre tendrement qu'on ne le recevait jamais, qu'il y avait parti pris. « Mais non, mon cher ministre. Je suis à mon Speisekammer. Je pèse le sucre pour les confitures. Je ne le crois pas. Douteriez-vous par hasard de mes vertus domestiques? Vous êtes trop jolie et spirituelle pour ces choses-là. Vraiment, comme vous arrangez cela? Cependant, Madame Schongesicht m'a répété que vous aviez horreur du caractère léger des Français. Mais pas celui des Françaises, chère baronne, pas celui des Françaises. Ceci avec le plus tendre regard. Vous devenez si galant que je vais croire que vous êtes français, vous aussi. Je serai tout ce qu'il faudra pour vous plaire. » Et il devint éloquent sur ses mérites, sur ses sentiments, et fit clairement entendre à la baronne qu'être aimée de lui, Schöngesicht, était une part de reine. On ne lui dit ni oui ni non, et Metleyev, entrant, elle finit sa phrase par un « Ah, madame de Schöngesicht est bien heureuse !»« Pour le coup, c'est clair, » pensa son Excellence. Et il s'en fut d'un pas si important que, tout habitué que fut le chasseur de son Excellence à cette allure, il en resta frappé d'admiration. Quant à madame de Schöngesicht, le visage sévère de son époux la persuada qu'il était engagé dans quelques sérieuses négociations, et pour l'en distraire, et avec les meilleures intentions, elle eut recours à de petites mines fringantes qu'elle adoptait volontiers vis-à-vis de son auto. La tentative lui valut un rappel assez sec au sentiment de sa dignité. Ah, qu'elle était fière de son mari! Le ministre sortit à 8 heures sans donner d'explication, et madame de Schöngesicht le suivit en pensée à quelque audience particulière de son Altesse royale le Grand-Duc. Il allait tout simplement au théâtre de Goethe, et à 8h30, sa présence était signalée dans la loge du Geschäftsträger de France. Le lendemain, tout heureux, son Excellence retourna chez la baronne. Elle ne recevait pas. L'ordre était formel, il fallut se résigner à laisser sa carte. Une heure après, un petit billet plié en tricorne était remis à son Excellence. « Aimable Excellence, écrivait-on, je ne sais comment on a compris mes ordres ce matin. Venez me voir, je serai chez moi à 5 heures. Amicalement, B de T. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. B. » Le comte de Schöngesicht vit rose. Il ne chercha pas quelle était la nouvelle, il était attendu. On n'est pas diplomate pour rien. Et il commença par aller prescrire à la comtesse de Schöngesicht une tournée de visite à l'autre bout de la ville, lui recommandant de n'en pas manquer une seule. Son Excellence procéda ensuite à la toilette la plus minutieuse et se trouva prête encore 3 quarts d'heure trop tôt. Enfin, l'heure sonna. En arrivant au Weihstrasse, il remarqua dans l'antichambre une certaine agitation. Au salon, on parlait, et il y trouva le vicomte de Watteaujour écrivant sous la dictée de la baronne. Elle ne s'arrêta qu'une seconde pour lui serrer la main, lui fit de la tête signe de s'asseoir, reprit sa dictée, et au bout de 2 longues minutes, expédia le jeune attaché que son Excellence vit disparaître avec une joie sans mélange. « Eh bien, vous savez déjà la nouvelle, n'est-ce pas? Nous partons. Mon mari est nommé à Athènes. » Et il dit cela tout en arrangeant son bureau, mais du coin de l'œil, elle ne perdit rien de la confusion de son Excellence. Il ne trouva qu'un mot dans son trouble. « C'est un avancement. Oui, je vous remercie d'y penser. Et depuis quand cette nomination? Elle est officielle de ce matin. » Il avait eu le temps de se ressaisir et avec conviction, il reprit « C'est une triste nouvelle pour moi. Et pour moi, j'ai encore un bail de 2 ans. Mais en dehors de cela, il y a les pour et les contre. » Elle avait l'air si clément que son Excellence demanda « Ah, si j'osais croire. Croyez que je vous dirai adieu, avec beaucoup de regrets. » Schöngesicht se rapprocha et prenant la main de la baronne pour la baiser, on le laissa faire. « Mais vous ne partez pas tout de suite. Dans 15 jours, c'est l'ordre supérieur. Ne prenez pas l'air tragique. On se retrouve toujours dans notre carrière. Comme vous êtes indifférente. C'est vrai, en ce moment je n'ai pas d'autre idée que ce malheureux bail. Je viens d'envoyer Watteaujour chez tous les agents. Puis-je vous être bon à quelque chose? Vous savez que je ferai tout pour vous être agréable. Alors prenez ma maison. » Il la regarda pétrifiée. « C'est que madame de Schöngesicht, je sais, il lui faut un palais. Quelle folie! Est-ce que vous resterez ici, vous? Je parie qu'avant 1 an, vous êtes nommé à un grand poste. Vous auriez bien tort de prendre une installation sérieuse. Réservez-vous donc pour une ville qui en vaille la peine. » Soit que la raison lui parut juste, soit qu'il eût tout de suite entrevu le parti qu'il allait pouvoir tirer d'une petite complicité d'intérêt, son Excellence répondit, rassérénée, « Certainement. Et puis, à vrai dire, je trouve cette maison charmante. Voulez-vous que je vous la fasse visiter? Avec plaisir, baronne. Je commence. Ceci, monsieur le comte, est le petit salon. Vous voyez, il est joli, clair, bien décoré. J'ai passé de bien doux moments, soupira son Excellence. J'en suis charmé. Voyons, prenez ces bougies et éclairez-moi. Ceci est le salon de réception. Je prie son Excellence d'en observer les proportions. Il y a un parquet. La baronne fit une petite glissade pour démontrer la bonté du parquet. Comment voulez-vous que je regarde autre chose que vous ? Trop aimable, mais regardez d'abord ma salle à manger. Y en a-t-il une plus agréable à X ? C'est vous qui la rendiez agréable. Ne renversez pas de bougies sur le tapis. Nous allons monter maintenant, et je vais vous faire pénétrer dans mes appartements particuliers. Et arrivé à l'étage supérieur, voici une très belle chambre à coucher. Je ne vous cacherai pas que c'est celle où je respire. Tenez donc ces bougeoirs, je vous en conjure. Son Excellence se préparait à s'en débarrasser pour mieux souligner ses phrases. Après les déclarations, soyons sérieux un instant, Excellence, et visitons la maison. Une, deux, trois, quatre chambres à coucher, et des armoires. Je vous prie de noter mes armoires. Maintenant, nous allons monter au grenier, et je vous mènerai à la cave. Ah, vous savez, les affaires sont les affaires. Si les douces espérances de son Excellence ne se réalisèrent pas positivement ce jour-là, c'est qu'à coup sûr le temps manqua pour visiter la cave et le grenier. Mais en homme sûr de son fait, le lendemain, son Excellence écrivait « Chère baronne, si vous avez la bonté de me le permettre, je passerai chez vous aujourd'hui pour visiter une seconde fois la maison. Je ne me suis pas bien rendu compte du second étage. Votre respectueux et bien dévoué serviteur, comte de Schoengesicht. » On lui répondit immédiatement « Mais oui, venez après 11h30, on vous laissera entrer. B de T. » Son Excellence visita une seconde fois la maison du haut en bas, mais cette fois respectueusement escortée par le maître d'hôtel de la baronne. L'inspection consciencieusement faite, son Excellence reparut au salon, espérant un léger dédommagement, mais il n'y avait pas à placer une phrase. M. Lévy était là pour parler à Mme la baronne au sujet de la maison. Il n'était pas parti que M. Schwartz apparaissait pour le même motif. Son Excellence s'en alla désespérée et décidée à tout. De la comtesse de Schoengesicht à la baronne de T. « Chère Madame la baronne, j'apprends avec le plus grand regret la nouvelle de votre départ. J'étais vraiment désolé d'être sorti quand vous êtes venu hier. Voulez-vous me permettre de venir visiter votre maison ? Je l'ai toujours trouvée si jolie, et maintenant que j'ai le regret de penser qu'elle va être libre, je crois qu'elle pourrait peut-être me convenir. » Votre dévouée, comtesse de Schoengesicht, née von Tock. On ne saura jamais comment son Excellence parvint à persuader à la comtesse de Schoengesicht qu'elle avait toujours désiré la maison du Weichstrasse. La baronne fut modeste, du reste, et dénigra sa maison avec la meilleure grâce, en signala tous les défauts, et répéta à satiété que la comtesse Schoengesicht ne pouvait naturellement y voir qu'un pied-à-terre, en attendant le grand poste qui était certain. Madame de Schoengesicht elle-même expliqua la chose ainsi. Quant à la surprise générale, on apprit à X que son Excellence le ministre de Prusse prenait le bail du chargé d'affaires de France. Le comte de Schoengesicht à la baronne de T. Le vieux Lévy a mes ordres pour vous porter le bail signé ce matin. J'espère qu'on pourra maintenant vous parler d'autre chose que de votre location. Vous savez que je vous adore, Schoengesicht. Je serai chez vous à 1h. La baronne de T au comte de Schoengesicht. Mon cher comte, je suis renfermé dans ma chambre par une grippe affreuse. Défense de voir qui que ce soit. Mon mari recevra Lévy. Mille amitiés, baronne de T. C'est ainsi que s'achève Où logera son Excellence ? Tiré du recueil Leurs Excellences de Bradat.